Section 5 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Johanne. Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. L'Europe féodale, les croisades, 1095-1270, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 1, troisième partie. Les usages et le gouvernement, par Charles Seignobos. La propriété, alleux, fief, tenure. Le trait le plus apparent du régime féodal qui lui a fait donner son nom, c'est la façon de posséder la terre. Le mode normal de possession, jusqu'au IXe siècle, avait été l'alleu, la pleine propriété, sans aucune charge, avec droit absolu d'aliéner. Mais depuis que les propriétaires ont distribué leurs terres en tenure à des paysans, en fief à des chevaliers, il y a eu trois modes de possession. L'alleu, le fief, usufruit à charge de services nobles, la tenure, en censive, en vilainage, en servage, usufruit à charge de redevances. Suivant la coutume du Moyen-Âge, ces possessions sont devenues héréditaires, et il y a eu trois sortes d'héritages. Ces droits de possession peuvent coexister en se superposant. Une même terre est à la fois possédée en censive, en fief, en alleu, par trois possesseurs différents, sans compter l'intendant héréditaire qui y possède aussi des droits irrévocables. En ce sens, il est inexact de parler d'alleu, de fief, de censive. Il faudrait dire possession en alleu, en fief, en censive. Mais la condition du possesseur a fini par se fixer sur sa terre, si bien que chaque terre a pris une qualité indélébile qui s'impose au nouveau possesseur. Ces terres s'appellent alors des censives, des vilainages, des fiefs, des alleux. Et comme le fief ne peut être tenu que par des nobles, l'on en vient à distinguer les terres nobles des terres non nobles. La terre non noble, ce sont les tenures des vilains. La terre noble, c'est la réserve, indominicata, exploitée par le possesseur noble du fief ou de l'alleu. Un noble, en acquérant une censive, n'en fait plus une terre noble. Un vilain, en possédant un fief, quand la coutume le lui permet, ne lui enlève plus sa qualité de terre noble. Un alleu peut être converti en fief par le propriétaire. Un fief ne peut être converti en alleu. Aussi les alleux sont-ils devenus de plus en plus rares. Ils ont fini au XIIIe siècle, surtout dans le Nord, par être si rares qu'on considère l'alleu comme un mode de propriété exceptionnel et invraisemblable. On l'appelle parfois franc alleu. On dit qu'il ne doit rien à personne et ne relève que de Dieu. Mais on admet son existence que sur preuve formelle, car la présomption est que toute terre est un fief ou une tenure. Nulle terre sans seigneur. En Angleterre, les jurisconsultes disent qu'il n'y a qu'un seul propriétaire, c'est le roi. Dans le Midi, il est resté beaucoup plus d'alleux. Quand le roi d'Angleterre, en 1273, fait un recensement de son duché de Guyenne, beaucoup de nobles déclarent ne rien devoir à personne ou même n'avoir pas à répondre aux questions du duc. Droit de succession. La terre se transmet suivant deux systèmes de succession opposés. Dans le régime ancien, commun aux droits romains et aux usages germaniques, la propriété se partage également entre les enfants, sans distinction de sexe. Cette règle continue à s'appliquer aux alleux, nobles ou non nobles, et elle s'étend à toutes les terres non nobles, grevées de charges que l'héritier, quel qu'il soit, peut acquitter. On distingue seulement, quand il n'y a pas d'enfants, entre les propres, héritage de la famille qui doit faire retour à la branche d'où ils viennent, et les acquêts, dont le propriétaire peut disposer à volonté. Tel est le droit coutumier. Pour la succession des fiefs, au contraire, le droit des héritiers est contrarié par le droit du seigneur. En logique rigoureuse, le fief doit être indivisible et possédé par un héritier capable de service. Il passe tout entier à l'aîné et toujours à un mâle. Le droit féodal est caractérisé par le droit d'aînesse et l'exclusion des femmes. mais le principe a fléchi, plus ou moins suivant les pays, devant la coutume générale. Les cadets ont été admis à partager avec l'aîné, c'est le parage. Les filles à hériter, à défaut de fils. Il n'est resté qu'une part plus forte à l'aîné et le privilège des mâles sur les héritiers femelles du même degré. Guerres et tournois. Tout noble est guerrier. À moins de conventions spéciales, il a le droit de faire la guerre à qui bon lui semble. Aussi, dans les serments de fidélité, les contractants s'engagent-ils à respecter la vie et les membres, l'un de l'autre. La guerre, que nous appelons improprement guerre privée, est le droit commun. Tout au plus regarde-t-on comme un devoir de ne la commencer qu'après une déclaration en forme. On déclare la guerre en envoyant à son ennemi un symbole, d'ordinaire un gant. C'est le signe que la foi est rompue, le défi. Parfois, on se contente d'une menace, ou même l'on commence d'emblée par des voies de fait. Les familles des deux adversaires sont entraînées de droit dans la guerre, car les parents se doivent secours jusqu'au 7e degré. Au 13e siècle, Beaumanoir se demande s'il peut y avoir guerre entre deux frères. Non, conclut-il, si ce sont frères de père et de mère, puisqu'ils ont tous deux même lignage. Oui, s'ils n'ont qu'un parent commun, car chacun aura pour lui sa famille. Ceux qui ont des vassaux les convoquent à venir faire le service, et on entre en campagne. Les guerres féodales sont très monotones. Les guerriers à cheval se jettent sur les domaines de l'ennemi, enlèvent les troupeaux, coupent les arbres, brûlent les moissons, mettent le feu au village, maltraitent et parfois massacrent les paysans. Le but de la guerre est de prendre les châteaux et les personnes des adversaires, ce qui se fait soit par surprise, soit par des opérations régulières, la bataille, le siège. Pour les sièges, on emploie les machines antiques, perfectionnées en Orient. La bataille est une lutte entre deux masses de chevaliers lancées l'une contre l'autre au grand trot. Il s'agit surtout de désarçonner l'adversaire et de le jeter à terre. Les écuyers, restés en arrière des combattants, accourent pour saisir les ennemis désarçonnés et s'emparer de leurs chevaux. Les prisonniers, dépouillés de leur armure, sont emmenés d'ordinaire liés sur un cheval. Le vainqueur les garde dans son château, souvent enchaînés ou même enfermés dans un cachot souterrain, jusqu'à ce qu'ils se rachètent au prix convenu, la rançon. On rachetait de même les châteaux. La guerre devenait un divertissement et un commerce. Le jeu n'était pas aussi dangereux qu'il le paraît. Orderic Vital, racontant la bataille de Brémule, 1119, ajoute « Sur 900 chevaliers qui combattirent, j'ai su que 3 seulement furent tués. En effet, ils étaient entièrement revêtus de fer et ils s'épargnaient mutuellement, cherchant moins à se tuer qu'à se prendre. » À défaut de guerre, les chevaliers arrangeaient un tournoi. Ils se formaient 2 troupes qui se livraient en rase campagne, parfois avec les armes ordinaires, une bataille aussi dangereuse que les batailles véritables. Au tournoi de Neuss, près de Cologne, en 1240, il périt 60 chevaliers. Dans les tournois, on faisait aussi des prisonniers et on les rançonnait. Le commerce des rançons était si lucratif que bien des chevaliers et même des seigneurs étendaient leurs opérations en dehors de la société guerrière sur les marchands, les bourgeois, même les clercs. Ils les arrêtaient sur les routes, les emprisonnaient et les torturaient pour en tirer une rançon. Les Allemands appelaient ces aventuriers Haubritter, chevaliers, brigands. Paix et trêve de Dieu, paix du roi. Ce régime de guerre ne plaisait qu'aux chevaliers. Il pesait durement sur le reste de la population. Mais la guerre étant de droit commun, il fallait, pour la faire cesser, un acte spécial, une paix, et pour imposer la paix, une puissance capable de la faire respecter. Dès la fin du Xe siècle, l'Église essaya d'établir la paix en faisant prendre aux chevaliers l'engagement de cesser la guerre. La tentative commença dans le midi de la France par une série de synodes provinciaux. Il s'agissait d'abord de protéger les gens sans défense, paysans, moines, ecclésiastiques. Quiconque les attaquerait serait excommunié. Ce fut la paix de Dieu. Le concile de Toulouse, 1041, alla plus loin. Il ordonna de suspendre toutes les guerres pendant les fêtes et dimanches, pendant l'Avent et le Carême, et la deuxième moitié de chaque semaine. C'était la trêve de Dieu. Elle fut confirmée et étendue à tous les pays chrétiens par le Concile de Clermont, 1095, qui décida la première croisade. Cette trêve aurait procuré, chaque année, environ 240 jours de paix et réduit la guerre à 120 jours. On ne voit pas qu'elle ait été strictement observée. Pour appliquer les décisions des conciles, on créa au XIe siècle, pour chaque diocèse, au moins dans une partie de la France, une association de paix dirigée par l'évêque. Elle eut son trésor, son tribunal et même son armée de la paix, formée surtout des paroissiens organisés en milices et conduite par les curés. De toutes ces créations qui ont beaucoup occupé les érudits, on trouve à grand-peine quelques traces à la fin du XIIe siècle. Dans les pays où le prince est assez fort, il proclame la paix et menace quiconque l'enfreindra de grosses amendes ou même de mort. En Normandie règne la paix du duc, et les princes normands établissent le même régime en Angleterre et dans les deux Siciles. Le comte de Barcelone fait respecter sa paix en Catalogne, le comte de Flandre en Flandre. En Allemagne, plusieurs empereurs proclament la paix du roi, qu'on appelle aussi la paix du pays, Landfrieden. Frédéric Barberousse fait rédiger un acte de paix, Friedensbrief. Mais ces paix se heurtent à des habitudes de plus en plus invétérées, et la guerre devient le droit commun de l'Allemagne. Quant au roi de France, il est trop faible pour imposer la paix, même dans son domaine. Philippe le Bel lui-même se bornera à interdire les guerres et les tournois pendant la durée de ces guerres. La paix est, au Moyen-Âge, un état d'exception. La justice. La société féodale ne connaît pas la justice égale pour tous. La justice, comme la paix, n'est pas le droit commun. Au Moyen-Âge, elle est un privilège. Il y a pour chaque classe une justice différente et des cours spéciales. Le clerc est justiciable des cours d'église, le bourgeois du tribunal de ville. Les hommes libres devraient aller au tribunal du pays, présidé par le comte, mais ces assemblées ont cessé de se tenir en France dès le Xe siècle. En Allemagne, où elles se conservent jusqu'au XIIIe siècle, leur action se restreint de plus en plus. Les tribunaux publics sont remplacés par des tribunaux privés. Le tenancier est jugé aux plaides du seigneur, tribunal domestique tenu par l'intendant, le vassal noble dans la cour féodale formée par la réunion de ses pairs. La coutume a produit pourtant quelques règles communes à toutes les cours laïques. Cette procédure du Moyen-Âge repose sur une conception opposée à celle du droit romain qui continue à être appliquée dans les cours d'église. La justice romaine était rendue souverainement par le juge, au nom de la société, dans un intérêt public. Le juge devait poursuivre les crimes et arrêter les suspects. Il devait, avant de prononcer la sentence, s'éclairer sur l'affaire en recueillant les renseignements, surtout les preuves écrites. Il devait juger suivant la raison. La justice du Moyen-Âge est rendue par la cour, formée des gens du pays. Dans la cour féodale, ce sont les pairs, les égaux des parties, qui sont les jugeurs. Le président n'a d'autre rôle que de diriger la cour et de prononcer la sentence. La cour n'agit pas dans un intérêt public, elle rend un service aux parties. Il faut que le plaignant le réclame. Même en matière de crime, la cour n'intervient que sur la demande de la victime ou de ses parents. Et le procès criminel se présente sous forme d'un procès entre l'accusateur et l'accusé. Tous deux doivent être traités également, être mis en égale prison et encourir la même peine, car l'accusé est l'égal de l'accusateur. C'est l'accusation par partie formée. La cour n'a pas à s'éclairer sur le fond de l'affaire, à rechercher comment les choses se sont réellement passées. Elle décide seulement sur ce que les parties lui présentent. Elle doit juger non suivant l'équité et la raison, mais suivant les formes établies par la coutume. C'est une justice formaliste, réglée rigoureusement comme un jeu. Les juges n'ont qu'à maintenir la règle, juger les coups et proclamer le gagnant. Tout procès se compose de plusieurs actions sacramentelles accompagnées de paroles consacrées, qui se suivent comme les scènes d'un drame. Le demandeur ou l'accusateur demande jour pour le procès. Le jour venu, le demandeur expose sa plainte et la jure. Le défendeur répond sur le champ en jurant mot à mot et prête serment. les témoins jurent à leur tour, puis viennent l'appel, c'est-à-dire la provocation, le duel, et enfin la sentence. Une parole, un mouvement contraire à la règle, suffisent pour faire condamner le plaideur. À Lille, celui qui, pendant le serment, remue sa main, posée sur les évangiles, a perdu son procès. Il faut surtout prendre garde aux paroles par lesquelles on commence la procédure, car elles décident du terrain sur lequel va se dérouler le procès. De là le proverbe « parole une fois envolée ne peut plus être rappelée ». En matière criminelle, le serment de deux témoins entraîne la condamnation de l'accusé. L'accusé peut laisser jurer le premier témoin, mais au moment où le second s'agenouille et tend la main pour jurer, il doit déclarer qu'il le récuse comme faux témoin et parjure. Le procès peut être tranché par preuve, par serment, par bataille ou par le jugement de Dieu. La preuve est l'ancien procédé romain. Le serment est le procédé barbare. Les usages du comté de Barcelone les distinguent très nettement. La preuve se fait ou par témoin, ou par pièces écrites, ou par raison, ou par jugement. Le serment n'est pas une preuve, mais à défaut de preuve, on le défère au défendeur ou au demandeur, à celui que le juge croit le plus véridique et qu'il voit craindre le plus de jurer. La preuve exige de l'attention de la part des juges, et les nobles regardent comme une injure de laisser discuter leur affirmation. Aussi la cour préfère-t-elle d'ordinaire remettre la décision ou au jugement de Dieu, ordalie, ou au duel. L'ordalie. L'ordalie est un ancien procédé barbare accepté par l'Église. On l'applique aux parties qui ne peuvent combattre, surtout aux femmes, quelquefois aux paysans. Plusieurs des épreuves employées au IXe siècle, l'eau, la croix, le morceau de pain, sont sorties de l'usage. Le procédé général au XIe et XIIe siècle est le feu sous deux formes. Le défendeur plonge la main dans une chaudière d'eau bouillante ou porte le fer rouge dans la main. On appelle ce fer juis, de judicium, jugement. On enferme la main et on la découvre au bout de quelques jours. Si elle est intacte, le patient a gagné. L'Église, qui avait régularisé le jugement de Dieu, finit par l'abolir au concile de 1215. Le duel. Pour les hommes, pour tous les nobles du moins, l'issue normale du procès, c'est le duel, l'appel par bataille. Le défendeur, l'accusé, au lieu de se disculper, provoque le demandeur ou son témoin. Le procès se transforme en une guerre. La cour n'a plus d'autre rôle que d'en régler les conditions et de constater le résultat. La bataille, comme toute la procédure, consiste en une série d'actes sacramentels. La provocation, appel, par la remise du gage de bataille, le choix du jour, le tracé du champ clos, d'ordinaire 125 pas, le serment, la proclamation, le combat, l'aveu du vaincu. Les armes sont minutieusement réglées. Dans les cours de chevaliers, ce sont l'armure, le bouclier et l'épée. Dans les cours de non-nobles, le bouclier et le bâton. Le duel est le procédé favori de la société du Moyen-Âge. On l'emploie pour les paysans, on le permet aux serfs de certains domaines comme un privilège. Les femmes même et les infirmes sont admis à faire battre à leur place un champion. Le duel sert non seulement en cas de crime, mais dans des procès de propriété ou de succession. On l'a même employé pour trancher des questions de droit. Au Xe siècle, Otto Ier, en Allemagne, fait battre deux champions pour décider si le fils exclut de la succession les petits-fils, ses neveux. Au XIIIe siècle, Alphonse de Castille a recours au duel pour décider s'il doit introduire le droit romain dans son royaume. Le duel est même dans les cours de nobles un procédé pour faire annuler un jugement. En principe, la justice du Moyen-Âge ne connaît pas l'appel. Tout jugement est irrévocable. Mais le perdant peut fausser le jugement, le déclarer faux, en provoquant ceux qui l'ont rendu. S'il est vainqueur dans cette bataille, le jugement est annulé. Le duel sert de la même façon à écarter un témoin. L'aveu, les peines. Toute cette procédure formaliste est réservée aux cas douteux, où le défenseur nie le fait qu'on lui impute. Une condamnation ne s'obtient qu'à grand peine et avec de grands risques pour l'accusateur et pour ses témoins. on procède sommairement, au contraire, contre le délinquant pris en flagrant délit. Le témoignage de ceux qui l'ont saisi suffit à le faire condamner. Sommairement contre le délinquant qui avoue son crime, surtout si c'est un étranger, un vagabond. Aussi la tentation est-elle forte pour le juge de pousser l'accusé à avouer en le mettant à la torture. Et c'est ainsi que la question deviendra, à la fin du XVe siècle, un usage général. La sentence est rigoureusement prescrite par la coutume, au moins dans les cours de non-nobles. L'homicide est décapité, le voleur est pendu, le meurtrier, assassin, est traîné sur la claie et pendu. Les femmes, au lieu d'être pendues, sont enterrées vives. Si le criminel est mort, on exécute son cadavre. S'il est en fuite, son effigie. Le suicidé est traité comme meurtrier de lui-même. L'animal qui a tué une personne est pendu ou enterré vif. La coutume. La société du Moyen-Âge ne connaît guère d'autres règles que la coutume. Elle conçoit mal une loi établie par un pouvoir législatif. Dans les occasions très rares où un prince a senti le besoin de modifier la coutume, il ne l'a fait qu'après avoir convoqué et consulté tous les notables du pays. La coutume diffère d'un pays à l'autre. On ne trouverait pas dans tout le royaume, dit Beaumanoir, de châtellenies qui en tout cas usent de la même coutume. Elle n'est pas la même pour les nobles, les bourgeois, les clercs et les paysans. Elle n'en est que plus respectée, car elle est la propriété privée, le privilège de chaque classe. Elle n'est pas écrite, elle repose sur les précédents conservés dans la mémoire des vivants. Quand on veut la constater, on fait une enquête et chacun dépose ce qu'il se rappelle avoir vu faire dans les cas analogues. Pour les hommes du Moyen-Âge, le juste, c'est ce qui s'est toujours fait, la bonne coutume. L'injuste, c'est l'innovation, nouveauté. Chaque génération s'efforce d'imiter la précédente et ne fait de progrès qu'à son insu ou par nécessité. De ce respect pour les choses établies procède l'hérédité qui, au Moyen-Âge, s'étend par-delà la propriété à toutes les situations acquises. Le fils prend naturellement la place de son père. La morale chevaleresque. Dans cette société immobilisée par la coutume, les mœurs des chevaliers féodaux apportent un trouble incessant. Leur morale repose sur des conceptions différentes de la coutume et contradictoires entre elles. La morale féodale, ou plutôt vassalitique, impose le devoir de respecter la foi jurée à ses compagnons, à son seigneur, à son vassal. La loi, par excellence, c'est la foi. L'homme loyal, légalis, est celui qui garde sa foi. La loyauté, c'est la fidélité à sa parole. L'honnête homme, le preux, probus, est à la fois fidèle et brave. Entre des hommes unis par la fidélité, il ne devrait pas y avoir de querelle, et c'est bien ainsi que l'entendent les chansons de geste. Renaud de Montauban, où le héros, forcé de combattre son seigneur, évite de lui faire du mal. Raoul de Cambrai, où Bernier reste fidèle à son seigneur Raoul qui l'a maltraité. En logique rigoureuse, si un désaccord s'élève entre un vassal et son seigneur, ou même entre les vassaux d'un même seigneur, ils doivent remettre le jugement à la cour du seigneur, formée des pairs du vassal. Et c'est aussi ce que disent les théoriciens du droit féodal qui ont rédigé les assises de Jérusalem. Au nom de la foi, le vassal peut conjurer, prier son seigneur de lui rendre justice. Le seigneur peut se mondre, sommer son homme de venir faire droit, c'est-à-dire comparaître devant sa cour. Là, le seigneur laisse juger ses hommes. Il doit être balance appareillée de faire ce que la cour esgarde, décide. Ainsi, tout noble pourrait obtenir justice de ses pairs et devrait se soumettre à leur justice. Mais d'autre part, l'idéal du chevalier, c'est le guerrier vigoureux et hardi, le Charlemagne de la chronique du pseudo-Turpin, qui, d'un seul coup de son épée, pourfend un guerrier à cheval, vêtu de son armure, du sommet de la tête jusqu'au bas, avec le cheval, qui détend à la fois sans peine quatre fers à cheval, qui lève jusqu'à sa tête un chevalier en armes, debout sur sa main, qui mange à son repas le quart d'un mouton ou deux poules ou une oie. Celui-là ne recule jamais et n'a peur de personne. Aussi tient-il à sa réputation, mieux vaut être mort que couard appelé. Et pour n'être pas appelé couard, le chevalier est capable de toutes les violences. Sa règle, c'est l'honneur, mot nouveau, inconnu aux anciens. Sentiment fait d'orgueil et de vanité qui va dominer la noblesse d'Europe jusqu'au XVIIIe siècle. L'honneur oblige le chevalier à ne rien supporter qu'il suppose pouvoir être, par quelqu'un au monde, interprété comme une reculade. En pratique, c'est le devoir de se battre contre quiconque lui conteste un droit auquel il prétend. Ainsi l'honneur entre en conflit avec la foi, et pour ce conflit, la morale féodale n'a pas de solution. Il fait le nœud de l'intrigue dans plusieurs chansons de gestes, et dans la réalité, il ne manque pas d'aventures comme celle que raconte un acte du XIe siècle, en latin barbare, des démêlés entre Hugues de Lusignan et son seigneur, Guillaume d'Aquitaine. États féodaux. Le régime féodal n'établissait entre les habitants d'un même pays aucune des relations qui nous semblent indispensables pour constituer un État. Il n'y avait alors ni impôts publics, ni services militaires publics, ni tribunaux publics. Rien que des redevances privées, un service de guerre privé, des tribunaux privés, cours de propriétaires, cours de seigneurs. Le droit commun était l'indépendance absolue de tout propriétaire assez riche pour se suffire à lui et à ses hommes. Et dès que le lien de vassalage s'est relâché, le seigneur féodal est devenu aussi souverain qu'un alaudier. En ce sens, on disait, au XIIIe siècle, tout baron est souverain en sa baronnie. C'est pourquoi Guizot a défini le régime féodal, la confusion de la propriété et de la souveraineté. Il serait plus exact de dire que la propriété remplace la souveraineté tombée en désuétude. Une seigneurie est un état en miniature, avec son armée, sa coutume, son banc, ordonnance du seigneur, son tribunal, sa potence. Les gens qui l'habitent appellent ceux du dehors étrangers, forains. La France a été plus qu'aucun autre pays, surtout au Xe siècle, partagée en souveraineté de ce genre. Le compte n'en a pas été fait, mais il atteindrait certainement au-delà d'une dizaine de mille. Le démembrement était moindre en Espagne, où les chrétiens étaient restés groupés autour de leur chef de guerre, moindre en Allemagne, où le roi avait gardé quelque autorité. On y conservait la règle que le ban, la justice criminelle, ne doit pas descendre à la troisième main, c'est-à-dire au-dessous des vassaux du roi. Mais, à mesure que la société s'assit et se civilisa, l'isolement diminua et l'on vit se former, même en France, de véritables états féodaux. Il y avait dans chaque région un seigneur plus puissant que les autres, d'ordinaire le descendant d'un ancien fonctionnaire carolingien, presque toujours investi d'un titre de fonction devenu dignité, un duc ou un comte, parfois dépourvu de tout titre, comme le sire de Bourbon, le sire de Beaujeu. Il était le premier personnage du pays. Il possédait ou avait acquis de très grands domaines, qui lui donnait un revenu princier et le rendait maître de plusieurs milliers de tenanciers. Presque tout le territoire relevait de lui en fief, car les autres seigneurs avaient fini par se reconnaître ses vassaux. Il avait ainsi pour vassaux presque tous les nobles de la province. À ces pouvoirs du propriétaire et du seigneur s'ajoutèrent des pouvoirs étrangers à la féodalité, la domination des villes anciennes, qui lui assuraient un revenu et une milice, la protection des églises, et souvent les droits régaliens, régal, monnaie, juif, fleuve, trésor. Sa cour était le centre de réunion de tout le pays. Là se donnaient les fêtes de chevalerie, là se tenait la cour de justice supérieure qui, dans quelques provinces, devint un parlement, le tribunal de comptabilité qui devint une chambre des comptes, l'assemblée de notables qui devint les États. Ces territoires étaient d'étendue très variable, suivant les conditions géographiques et la puissance du haut seigneur. Ils n'étaient pas fixés et ne cessèrent pas de varier, s'agrandissant par des conquêtes, des mariages, des héritages, diminuant par des partages. Quelques-uns disparurent, duché de Gascogne, comté de Vermandois. D'autres se créèrent, Artois, dans l'ensemble, ils tendirent plutôt à s'agrandir. Les hauts seigneurs avaient fini, vers le XIIe siècle, par décider que leur domaine, comme leur dignité, ne serait plus partagé entre leurs enfants et passerait tout entier à l'aîné. Désormais, les États féodaux furent à peu près fixés et le cadre des provinces fut formé. Cette formation ne s'accomplit pas de même façon dans toute l'Europe. En France, où le démembrement avait été extrême, au Xe siècle, les États féodaux se constituent au XIe siècle et s'achèvent au XIIe. Il y en a une quarantaine. Quelques-uns seulement appartiennent à un évêque. Dans la plupart, le chef est un prince laïc. Il s'est appelé d'abord duc ou comte, puis, au XIIe siècle, il y a joint le nom de sa région, duc de Bourgogne, comte d'Anjou, comte de Provence. Ainsi se sont formées les provinces. Chacune reste un état indépendant jusqu'à ce que le roi de France la réunisse à son domaine en remplaçant le duc ou le comte. En Angleterre, où le roi a gardé tout le royaume sous son pouvoir direct, il n'y a pas eu d'état féodal. En Espagne, où l'ancienne royauté chrétienne avait été écrasée par les musulmans, les chefs de provinces chrétiens firent comme le prince de Navarre à la fin du IXe siècle, dont une chronique dit « Il s'éleva un roi dans Pamplune ». Chacun prit le titre de roi, et il y eut autant de royaumes que de provinces. En Italie et en Allemagne, le démembrement combattu par l'empereur se fit plus tard. Les États féodaux se formèrent au XIIIe siècle dans des formes plus variées qu'en France. En Italie, à cause du pape, des Normands de Sicile et de la puissance des villes, en Allemagne, parce qu'une partie des terres appartenait à des princes d'église, et que parmi les princes laïcs, l'usage se maintint plus longtemps de partager le domaine entre tous les fils. Mais, en tout pays, les États féodaux, une fois constitués, contribuèrent activement à désorganiser ce qui restait du régime féodal. Fin de la section 5.